Chapitre 2. Husselin s'éveilla tôt le lendemain. Que s'était-il passé? D'où venait toute cette lumière? Il s'étonna des murs blancs, du lit étroit, des rayons de soleil qui, au travers des persiennes, descendaient sur son oreiller. Des filets d'air vifs circulaient dans la chambre et le rideau à fleurs s'enflait avec effort par la vitre ouverte. Il éprouva comme une griserie. Il devina un monde prêt à s'ouvrir, et soudain il se rappela. Quelle bonne et chaude nuit! Jusqu'à une heure passée, ils avaient assisté au voyage tranquille de la lune, à l'illumination du ciel. Les murs blancs de la maison s'étaient ouatés de gaze bleue. Le potager sommeillait du sommeil innocent des choux verts. Dressés contre le ciel, tels de grands oiseaux nocturnes, les peupliers, et Jeanne, et Renée, on eût dit qu'elles avaient des secrets communs avec la nuit. Vert, jaune, avec de sourdes lueurs de veilleuse, le paysage accroché en face de son lit prit aux yeux de Husselin la forme d'une interrogation. « C'est vrai, j'avais quelque chose à dire. Cela datait d'hier, encore hier. Hier était un immense filet plein de mille choses. » Il rencontra brusquement le souvenir qu'il recherchait. « Les fresques de Fauvarc, » prononça-t-il à mi-voix. Il les avait regardées enfin toute une après-midi. Manquant sur place de jugement précis, il avait remis à une heure de solitude le soin de tirer ses impressions au clair. Certes, le dessin en masse puissante, les couleurs vertigineuses des deux compositions l'avaient saisi. Mais ce matin, pris de méfiance, Husselin se demandait « Est-ce bien, est-ce mal ?» à supposer qu'il y ait dans ses œuvres un génie qui se révélera peu à peu. Un homme a-t-il le droit de se risquer à de tels jeux quand la maison est vide ? Lui-même m'a avoué que des monstres ne venaient plus. Les yeux au plafond, le bras replié sous sa tête, il plaignit Jeanne. Chercha le moyen de venir en aide à Fauvarc, mais comme il lui voulait du bien, il pensait à lui méchamment. Depuis la veille, il aimait moins Fauvarc. Ce fait nouveau l'intéressait et l'intriguait. Il en chercha les causes. D'abord, il admirait cet homme depuis trop longtemps, ce qui devenait monotone. Puis, il lui reprochait d'être toujours supérieur, ce qui devenait humiliant. En outre, il en avait assez de lui voir une tête constamment plus puissante, un corps constamment plus robuste que les siens. « Ce qui me vexe le plus, murmura-t-il enfin, c'est qu'on ne puisse jamais le prendre en flagrant délit de misère. Toujours un air de rouler sur les millions. Il se donne royalement pour allier la lumière, les arbres, la campagne, le soleil lui-même et les étoiles. C'est trop facile. Et cependant, elle existe et s'aggrave cette misère. Je la mettrai à nu. » Il perçut alors le murmure d'une conversation qui se poursuivait à voix basse, probablement depuis longtemps. Il colla son oreille contre la cloison qui le séparait de la chambre de Renée. « Elle dort, dit-il avec douceur. Nous couchons l'un contre l'autre, des deux côtés de cette mince cloison. J'entends jusqu'à son souffle léger. » Il se leva et, sur la pointe des pieds, s'approcha de la porte qui communiquait avec l'appartement de Jeanne. « Tu ne sais pas ce que tu gâches, disait Fauvarc. « Beaucoup de femmes font comme toi. Voici qui est plus grave. Hier, j'ai cru que c'était fini, que tu revenais à moi de bon cœur. Tout à coup, je m'aperçois qu'il n'y a rien de fini, mais qu'une comédie commence. L'amitié bruyante que tu me témoignais n'était qu'un simulacre. De quoi abuser nos amis? Je suis forcé de te dire casse-cou. De cette façon, on achève de démolir un foyer. » Jeanne sifflotait entre ses dents. « C'est en effet très grave, pensa Husselin, envahi par une sorte de torpeur amoureuse. Fauvarc reprit. « La comédie de l'amour, nous savons comment ça se passe. 10 femmes sur 12 la jouent toute leur vie. La maison est pleine de fleurs, madame est pomponnée. On reçoit ensemble, on rend ses visites ensemble. Ce sont des cajoleries devant les gens. Mais une fois seul, on ne se parle plus que par injure. Merci, pas pour nous. Pour d'autres, c'est misère. » Il finira par la reprendre, se dit Husselin avec inquiétude, car depuis la veille, Jeanne le hantait. Jamais la jeunesse de son esprit et de son corps ne lui avait paru plus désirable. Ah, le bain frais, le souffle ravivant d'un tel amour après les misérables mois de sa passion pour Valentine! Devant son cœur fatigué, elle dansait, sautait, jouait. « Tu n'as jamais été plus délicieuse que ces temps-ci, » poursuivait Fauvarc dans la chambre voisine. « Il y a dans tes gestes de la lumière et de l'intelligence. Ta maternité t'a rendue plus belle, et il semble qu'elle t'ait appris à réfléchir. Comment se fait-il alors que tu me sois hostile ? J'ai cru autrefois que la naissance de Pierrot nous liait pour toujours. C'est le contraire. On dirait qu'il pousse entre nous deux, le pauvre bambin. Lorsqu'il sera de notre taille, nous nous trouverons des deux côtés d'un mur. Crois-tu que ce soit bien ? » Il tourne autour d'elle, la courtise, la sermonne, reprit Husselin. « Honte et infamie ! Un mari et une femme, quel inceste !» Il plaça l'œil devant l'orifice de la serrure. « Boucher ! » balbutia-t-il avec indignation. « Crois-tu que ce soit bien ? » répéta Fauvarque. Husselin comprit que Jeanne répondait. Il perçut un mot, devina un geste. Il haletait de colère. La réconciliation faite, quelle serait sa place à lui entre les époux ? Il fallait à tout prix tomber dans leur solitude. Écrasé contre la porte, il appela. « Jeanne, Jeanne, Jeanne !»« Qui est-ce ? » demanda Fauvarque sévèrement. « On m'appelle ? » fit Jeanne avec une appréhension. Husselin ne répondit pas tout de suite. Un sourire satisfait errait sur sa face. Il caressa les fils dorés de sa barbe. Il reprit d'une voix mystérieuse. « C'est moi, vous êtes seul, n'est-ce pas ?»« Monsieur, on vous coupera les oreilles, » répliqua Fauvarque. Un rire perla, celui de Jeanne. Elle hésitait sur l'attitude à prendre. Elle battit des mains cependant friandes de situations scabreuses. Husselin pesait contre la porte. « Puisque nous sommes en sûreté, Jeanne, nous pouvons causer. Belle matinée, n'est-ce pas ? Quelles nouvelles de chez vous ? Dans ma chambre, les rires du soleil coulent par les 100 paupières mi-closes des persiennes. L'air follet fait des culbutes et gonfle les rideaux. Mon lavabo, philosophe, vous êtes derrière cette porte. Aussi, quel réveil ! Ma première pensée fut pour nos amours. Ah, que j'aime, ah, que je vous aime !» Fauvarque, soupçonneux parfois et rusé comme un paysan, devina sous ce jeu des intentions équivoques. Mais beau joueur, il donna la réplique. « Que vous aimez, c'est visible, s'écria-t-il. Votre cœur bat si fort que la porte en est ébranlée. » Jeanne égrena un rire nerveux. « Adieu, lui dit Husselin, j'entends une voix étrangère. »« Avez-vous bien dormi au moins ? » demanda Fauvarque. Husselin ne répondit pas.